mon auto. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Je joue avec mon auto. Non, c'était mon auto, c'est moi qui l'avais cette auto là en premier. C'est bleu, c'est ma couleur bleue. C'est pas grave la couleur, non, non t'avais c'est dit moi ça qui dérange pas la non. couleur. Non, lâche-la, lâche-la. Sophie, elle me l'avait donné ce matin. Ah, tu m'as mordu! Quand il y a la chicane et puis les cris, je dis qu'est-ce qui se passe ici? Toi tu veux avoir le jouet de Clément, mais Clément dit qu'il l'avait avant. Si on trouvait une solution, au lieu de se changer en lion, si on regardait ce qu'on peut faire, au lieu de se mettre en colère. Voilà que tu t'en vas pleurer dans ton coin et que tu fais un gros cacaboudin. Cacaboudin! Tu es fâché, on ne peut t'approcher. Tu sors les dents et commences à cracher. Si on trouvait une solution, au lieu de se changer en lion, si on regardait ce qu'on peut faire, au lieu de se mettre en colère. T'es plus mon ami, là! Ça me dérange pas, ça me dérange pas, moi j'en ai plein des amis! Toi, t'es plus mon ami jamais de la vie! Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? La chicane, c'est pas vrai que ça sert à rien. Elle permet de dire qu'on ne se sent pas bien. Qu'il faut se calmer pour se parler et décider comment ça va se passer. Si on trouvait un compromis, au lieu de devenir ennemis, si on en arrivait à un accord, au lieu de se battre comme des dinosaures. Hey, j'ai une bonne idée, regarde. Moi, je vais garder l'auto bleu parce que je jouais avec l'auto bleu. Puis toi, tu vas prendre l'auto verte parce qu'elle est pareille comme l'auto verte. Ah, c'est une bonne idée. De toute façon, vert, c'est ma deuxième couleur préférée. Puis tantôt, on va changer. Ça va être ton tour parce que mon tour, ça va être terminé, OK? OK, dans combien de minutes? Dans 3 minutes. Ah, ça s'appelle-t-il Popette?